Les rues de la crique que j'ai fait mes classes, voir dans un star tenu par Chloé, c'est à Tampico qu'au fond d'une impasse, j'ai trouvé un sens à ma destinée. On dit que l'argent c'est bien inodore, le pétrole est là pour vous démentir, car à Tampico quand ça s'évapore, le passé revient qui vous fait vomir. Oui, j'ai laissé là mes joues innocentes, oui, à Tampico je me suis défleuri, je n'étais alors qu'une adolescente, beaucoup trop sensible à des tas de profits. Les combinaisons ne sont pas toujours bonnes, comme une vraie souris, j'ai fait des dollars. Dans ce sale pays où l'air empoisonne, la marijuana vous fout le cafard. On m'encourageait, j'envoyais le drôle, je vidais mon verre en fermant les yeux. Quand j'avais fait le plein, je voyais le pactole et les connaisseurs trouvaient ça curieux. Une fille de 20 ans, c'est pour la romance, et mes agréments semblaient éternels. Mais par-ci par-là, quelques dissonances en ont mis un coup dans mon arc-en-ciel. C'est là que j'ai laissé derrière les bouteilles le très petit lot de mes petites vertus. Un damné matelot qui n'aimait que l'oseille m'en a tant fait voir que je me reconnais plus. Oui, il m'a fait voir le ciel du Mexique et m'a balancé par un beau printemps. Parmi les cactus dans le décor classique, où le soleil vous tue comme à vous portant. Un coq shanghaïé un soir de folie a pris mon avenir de même qu'un cadeau. Il m'a dit, petite, il faut qu'on se marie, tu seras la fleur d'un joli bistrot. De tel boniment démolissent une femme, je me voyais déjà derrière mon comptoir. Les flics de couleur me disaient madame, bref, je gambergeais du matin au soir. Mon Dieu, ramenez-moi dans ma belle enfance, quartier Saint-François au bassin du roi. Mon Dieu, rendez-moi un peu d'innocence, l'odeur des quais quand il faisait froid. Faites-moi revoir les neiges exquises, la pluie sur Sandvik qui luit sur les toits. La ronde des gosses autour de l'église, mon premier baiser sur les chevaux de bois.